Ah non, c'est la deuxième. Bonjour à tous. Donc nous sommes un petit peu en retard. En retard. Okay. Voilà, quand on veut faire 1000 choses avant de partir et en plus qu'on est retenu, ben voilà. Hein. Donc on s'excuse auprès des auditeurs de notre petit retard. Hein. Heureusement, Marion est bienveillante. Elle nous a encore accueillis malgré notre retard. Alors, est-ce que, pour commencer, est-ce que vous vous rappelez de la chanson Mystère la dernière fois? Ça m'énerve. Voilà, c'était Juliana qui l'avait choisie. Vous vous rappelez? Oui. Oui. Donc, alors, aujourd'hui, il y en a une nouvelle. On va la passer. Hein, et on ne dit rien. Et après, on discutera un petit peu de ce qui vous énerve, vous. D'accord? Voilà, et on y va. La première, chanson Mystère. Thank you. c'était la chanson mystère choisie par Camille. Donc, si quelqu'un a le nom du groupe et éventuellement le titre, il peut appeler à quel numéro ? 03 29 40 62 40 40. Bien, merci Juliana. Alors, il faut que je dise aussi que ce matin, j'ai oublié mon cahier de préparation radio. Non, c'est pas tête en l'air, disons, c'est trop speed ce matin. Eh bien, donc, on va faire une émission, comme on dit, un peu à l'aveugle. Hein. On va essayer de se rappeler de quoi on a parlé lundi. Hein ? Ça va pas être dur, ça va ? Si. Si ? Timothée, toi, tu te rappelles de ce qu'on a parlé lundi ? Non. Ah, ben, c'est super, ça commence bien. Christopher, tu te rappelles, toi ? Non. Non plus. Juliana ? Bah, tu as dit quoi tout à l'heure ? On avait parlé de quoi ? Mais je me rappelle plus le foot. Oui. Oui, le foot. Donc, est-ce qu'il y avait des nouveaux résultats depuis la semaine dernière ? Non. Si. Non ? Si, voilà, Mario va nous aider, heureusement. C'est hein, parce que... qu'il a gagné. Attendez, on va donner la parole à Marion. Elle va nous donner qui a joué et le score. Bah, c'était contre l'Italie, on en avait parlé mercredi. Et la France, donc, a gagné 3-1. Oui ! Et les prochains matchs ? C'est le 9. La France, elle va jouer contre qui ? Les États-Unis. États-Unis. Le 9 à 21h. Et l'autre, c'est Australie. Il me semble. Le samedi 16 à midi. Ouais, mais alors là, par contre, ce sera déjà la Coupe du Monde. Voilà. Ah oui, la Coupe du Monde. Ouais. Le dernier match amical, c'est samedi, oui, contre les États-Unis. Et après, dimanche, ils s'envolent en Russie. Et le premier match, ce sera contre l'Australie le 16. Alors, est-ce que vous pensez que les Français vont faire une bonne performance ? Bah oui. Oui. Oui. Oui. Et qui c'est qui allait les rencontrer hier ? Président. Le président, oui. C'était où ? Vous vous rappelez ? Non. À Paris. À Clairefontaine ? En Russie. En Russie. Ah oui, il est en Russie. Mais ils n'y sont pas pour l'instant. Oui, il allait les rencontrer, alors, à votre avis, pour quoi faire ? Là, pour encourager. Pour des autographes. Pour les encourager, oui, Christopher, c'est bien. Oui. C'est bien, quand même, non ? Oui. Hein ? Donc, ben, on leur souhaite bonne chance. Hein. Bonne chance, l'équipe de France. On est avec vous, on est avec vous. C'est bien, c'est bien, c'est pas la peine de hurler dans les micros. Hein, les gens vous entendent, hein ? D'accord ? Oui, Corinne. Ensuite, on avait parlé de quoi ? Oui, Nathan, t'as une idée ? Non. Alors, le temps que ça vous revienne, eh ben, on va parler de... Mais on ne s'est pas présenté. Bon, tu sais, je pense que les auditeurs, ils nous connaissent maintenant, Timothée. On n'est peut-être pas obligé de le faire à chaque fois. Le temps que ça vous revienne, les sujets de lundi, j'avais dit tout à l'heure qu'on dirait quoi ? Les trucs qui nous énervent. Les trucs qui vous énervent. Alors, qui c'est qui veut dire quelque chose ? Vas-y, Steven. Moi, rien m'énerve. Voilà, alors, Steven, c'est super. Rien ne l'énerve, c'est bien, Steven. Moi, je sais. Oui. Parce que des fois, ça peut vous énerver quand quelqu'un t'embête. Quand quelqu'un t'embête, ça t'énerve. Oui. Ok. Ensuite, vas-y, Juliana. Quand on triche ou des fois quand on nous dit qu'on ne sait pas jouer. Les tricheurs et ceux qui se moquent. Oui. Ça t'énerve, ok ? Camille, tu peux t'avancer vers le micro. Alors, qu'est-ce qui t'énerve, Camille ? Yes. Ah. Alors, qu'est-ce qui t'énerve, toi ? Timothée, qu'est-ce qui t'énerve ? Rien. Rien. Tout est merveilleux. Hein ? Je sais, quoi s'énerve. Non, non, tu parles pas pour les autres, Nathan, tu parles que pour toi. Christopher, qu'est-ce qui t'énerve, toi ? Rien. Rien du tout. Tout va bien ? Ouais. Ouais. De tout ? Oui. Oui. Toi, t'as pas d'idée ? Donc, tout va bien ? Hein ? C'est ça ? Moi aussi, j'ai pas d'idée. Ouais. Ah, c'est pas avoir une idée, c'est votre quotidien. Quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes à l'IME... Quelles sont les choses qui peuvent vous énerver ? Oui, Nathan. Bah pourquoi tu lèves la main et puis après tu dis rien? Je ne lève pas la main. Ouais. Si, tu faisais comme ça. Bon, alors si rien vous énerve, qu'est-ce qui vous rend heureux? Camille. Heureux de voir Juliana. Ouais. Faire des trucs, travailler. Faire des trucs, travailler. À écrire, à lire, à faire du vélo, à jouer. Vélo. Oui, Nathan. Tu sais, ça peut arriver qu'on dort. On est fatigué. Toi, t'es heureux quand tu dors? Moi, je suis heureux quand je fais du foot. J'aime bien ça. T'aimes bien faire du foot, ok? Et toi, Christopher, qu'est-ce qui te rend heureux? Foot. Le foot. Moi, qui me rend heureux, c'est aussi aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça te rend heureux, toi? Je te ferme. Et toi, Timothée? Qu'est-ce qui te rend? Le foot. Tu joues, toi, au foot avec les autres? Non, je joue jamais. Ah, alors c'est le foot. C'est le foot à la télé? Oui. Ah oui, ah bah oui. T'es dans la télé? Quand on regarde la télé, c'est vrai qu'on prend pas de risque, hein? Hein, Timothée? Oui. Ouais. Est-ce que tu regardes tous les matchs? Oui. Oui, papa, il aime bien le foot? Oui. Oui. Maman aussi? Oui. Oui. Et toi, Camille? Oui, quoi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, rien ne t'énerve, Camille, et rien ne te rend heureuse. Alors, comme ça... À dire qu'il y a une fille qui s'appelle Rien, une fille qui est toujours... Et toi, là, Corinne? Qui, quoi? C'est quoi qui t'énerve et c'est quoi qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui m'énerve? Bah, tu vois, arriver en retard ce matin à la radio, ça m'a énervé. Je n'aime pas être en retard. Et après? Et après, quoi? Ce qui te rend heureux. Oh, ce qui me rend heureux, les gens autour de moi, des petites attentions, moi, plein de choses à dire. Heureux, hein. C'est manger au collège. Toi, c'est manger au collège. Mmh. Et toi, Marion? Allez, Marion. Le foot et le collège. On laisse la parole c'est à Marion. Ce qui t'énerve et c'est quoi qui te rend heureux? Ce qui m'énerve, c'est les gens qui mettent pas leur clignotant en voiture. Ça m'énerve. Et le truc qui te rend heureux? Faut quand même sonner, hein. Ma famille, mes amis. Voilà. C'est important, l'environnement. Les gens qui sont autour de vous à la maison, ils vous rendent pas heureux? Ah si! Ah si! Oui, Timothée. Moi, ce qui me sent heureux, à part le foot, c'est ce que je mange au collège. C'est mieux que chez maman? Est-ce qu'il y a une grande... Chez moi, c'est bon, mais... Voilà. Mais le collège aussi. C'est de manger chez moi aussi. Hein? Et toi, Christopher? Hein? Qui te rend heureux, là? T'as rien d'autre à dire? Ma mère aussi me rend heureux. Ah, moi, bah voilà, maman. Moi, c'est d'être avec aussi Corinne. Ah bon? Ça te rend heureuse? Je dois répondre? Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller faire des sorties avec Corinne. Moi, c'est d'aller à la radio. Moi, je dirais que vous faillotez un petit peu, là, non? Non, vous aimez la radio, hein, ça, c'est vrai. Oui. On a fait un sondage. Le gars du rire. À l'unanimité, c'est la radio. Le yoga du rire, Corinne. 6 sur 6, la radio. Le yoga du rire, il y en a qui sont un peu moins adeptes au yoga du rire. Ou 10 sur 10, la radio. 10 sur 10, la radio, voilà. 1000. 400. Non, mais j'ai... 125. Attendez, on s'écoute. Timothée, j'ai dit 6 sur 6 parce que vous êtes 6 à y aller. On n'est pas 10. Il y aurait 10 jeunes, j'aurais fait, oui, sur combien, tu vois. Mais là, c'est 6, donc. 6 sur 6, oui. Le yoga du rire, c'est 0-0. Voilà, le yoga du rire, alors, si, j'aime bien ça. Ben, il y en a qui n'aiment pas le yoga du rire. Et chant? Hein, Christopher? Mais oui. Le yoga du rire, c'est 10 sur 10. Oh, toi, t'aimes bien. Alors, pourquoi t'aimes pas, toi? De quoi? Pourquoi tu n'aimes pas? J'aime pas le yoga du rire. Oui, mais ça, c'est un peu facile, la réponse. Mais pourquoi? Parce qu'on me force à rigoler. Moi, je sais. Moi, je trouve ça m'énerve de rire parce qu'en fait, c'est toujours faire des exercices comme tu fais tout le temps. Après, à un moment, tu te rends mort et à un moment, tu n'as plus envie de le faire. Tu dis quoi, Nathan? Qu'on fait toujours les mêmes exercices? Oui. Eh ben non. Non, je suis d'accord avec Corinne. Voilà. Est-ce que Tove Blanc, il demande pas souvent d'initier de nouveaux rires ? Si. Si, des fois, mais des fois, on fait les mêmes. Ah bah, il faut quand même en faire que vous connaissez. Non, il fait pas les mêmes, Yulka. Il fait pas les mêmes. Non. Non. Le rire de russe, il le fout tout le temps. Il le fait des fois le même. Le rire, le doigt d'eau, il le fait toujours le même. Des le fois, rire de quoi ? Le rire de doigt d'eau, il le fait toujours le même. Mais des fois, il le fait pas. On fait pas forcément les mêmes, Nathan. Et tu dis le rire du bus, c'est parce que vous le demandez aussi qu'on le refait. Mmh. C'est comme la chaise musicale avec Christopher qui la demande tout le temps. Ah, ça, là, t'aimes bien parce que ça bouge. Oui. Mmh. Ouais. Donc tout le monde ne peut pas aimer forcément les mêmes choses. Et c'est bien de le dire. Hein? Et si vous pouviez continuer quelque chose l'année prochaine, qu'est-ce que vous aimeriez continuer ? Radio. Radio, chant, yoga du rire. Et sport. Radio. Oui. Et Timothée ? Radio Corée. Radio. Bon, ben, on va éliminer tout le reste, hein. Hein, on va garder que la radio. Corinne, oui. Moi, j'aurais plus trop envie d'aller à la radio. J'aurais bien envie d'aller au CFO. Je peux parler ? Oui. Aller au CFO et non. Aller à la radio aussi. Oui, vas-y, Timothée. Je pensais qu'on peut faire aller à la piscine. Ah oui, alors toi, tu avais dit que tu aimerais aller à la piscine. Moi non plus. Bah, c'est bien. Vous aimez pas la piscine ? La Bresse. Steven aimait bien faire le toboggan. Nathan, j'aimerais qu'il s'exprime tout seul. Maintenant, j'aime plus. Pourquoi, Steven ? C'est être dans l'eau, c'est oui, quoi ? J'aime pas. Ok, et toi, Juliana ? Que des fois, on va dans le gros bassin. Ah, t'aimes pas aller dans le gros bassin, pourquoi ? Que j'ai pas à pied. Ah, parce que t'as pas à pied, oui, mais tu sais nager. Bon, alors, pieds dans le gros bassin. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir pied quand on sait nager ? Non. Ah non ? Ah oui, je sais. Donc c'est pour ça, toi. Tu préfères aller nager ou tu es à pied ? Oui. Okay. Moi, j'aime bien aller dans le gros bassin. Parce que dans le gros et faire le toboggan dans la piscine et sauter sur le truc, là. Le plongeoir, là. Ah oui, t'aimes pas ? Si, j'aime bien, ça. J'ai déjà dans le gros bassin, le tout profond bassin, j'aime bien. C'est mieux parce que quand t'as les sauts, c'est tout profond, c'est mieux. Bah écoute, à Timothée, on verra, hein, suivant l'emploi du temps, la rentrée. Hein ? Oui. Moi, je veux pas. Bah après, Steven, normalement, tu changes de groupe, toi. Oui. Hein, Timothée, il reste sur le groupe, là. Mmh. Juliana aussi. Au revoir, Juju. C'est bon ? Si, j'ai un tout, s'il faut. Ah. Ah. C'est étonnant. Alors, est-ce qu'on referait une autre pause ? Oui. Avec la chanson Stéphanie comme un ouragan. Qui c'est qui a choisi ça ? Moi. Steven. Merci, en technique. Comme une ombre. Voilà, c'était la chanson que Steven avait choisie. Tu te rappelles, Steven? Oui. Alors, je disais à Steven que Stéphanie, c'est une princesse. Princesse de Monaco. Stéphanie Tuche. Non, c'est pas Stéphanie Tuche. C'est Stéphanie de Monaco. Elle est plus là, elle est au paradis. Pourquoi tu dis elle est au paradis? Attends. Est-ce qu'elle est vieille? Bah, non, elle n'est pas au paradis. Bon, alors, après aussi lundi, on avait dit, on va parler un peu des infos. Si vous vous intéressez un peu plus aux infos. Alors, Steven, il a un sujet. Vas-y. J'ai vu la tombe de Maëlys. Maëlys est enterrée, ça y est. Hein? Et aussi, ils l'ont mis dans la camionnette où il y a des morts, où il y a d'autres morts. Où on met les morts. Oui, elle a été transportée dans un corbillard, hein, oui. On appelle ça comme ça. Hein. Donc Maëlys, ça y est, c'est fini? Oui, il a enterré. Ouais, on n'en parle plus. Le tueur a été arrêté. Oui. Hein, voilà. Il est mort, je crois, le tueur. Oh non, il n'est pas mort. Non, il est en prison. Il est en prison, oui. Où il n'y a plus de courant. Où il y a plus apparemment, il a dit le truc des fous. Au truc des fous. Il est dans un truc de fou. Dans un asile. Il est dans un asile. Et dans une prison où il n'y a pas de... Où y a en pas plus, de lit, Maëlys, il était petit en plus. Une vieille cellule où il y a des gros araignées. Ah, toi tu dis qu'ils l'ont mis dans une vieille cellule avec des araignées, et pas de lit. Où c'est des toilettes qui ne sont pas bons. Aussi... Pas de douche. Pas de douche. Ah oui, alors les gens qui sont en prison, ils se lavent pas. Si. Ah bon, quand mais même. Dans une prison où il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé. Bah dis donc. Maëlys, il était petite en plus, il l'a tué quand elle était petite. Mmh. La pauvre. Bah oui. Je suis plein. Ils sont malheureux, ses parents. Bah oui. C'était un mariage en plus, alors. Hein. Faut plus trop mettre dehors parce qu'il y a beaucoup d'enfants que vous êtes embarqués. Parce qu'il faut pas, il faut qu'ils puissent faire aller se promener très loin dehors. Parce que si on a un endroit où c'est pas, il y a quelqu'un qui dit nous appeler. Il dit que c'est pour donner quelque chose, et après il nous prend pour nous comporter, pour nous faire du mal. Mais bon, ma maman, on l'a voilà. Appelé. Alors le sujet Maëlys, c'est clos. Alors après, c'était Timothée qui avait quelque chose à nous dire. Vas-y. Il y avait un garçon qui avait fait des papiers. Il a fait des papiers. Oui. Explique, Timothée. Bah, il a sauvé une fille, puis il est venu faire des papiers. Et alors ça, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, la personne qui avait sauvé un petit garçon. Mmh. Et toi, tu dis, ça y est, il a les papiers. Oui. Tu as suivi l'affaire, alors, Timothée. Mmh. Non, pas, il y avait des gens autour de lui. Il y avait des gens. Mamoudou. J'ai vu dans la photo. Mamoudou, oui. Ah oui, c'est Mamoudou. Or, Mamoudou, il a les papiers. Oui. Oui, il y avait des gens aussi au-dessus. Mais c'était rapide, non, Timothée? Quoi? Les papiers. Bon, oui. Non, mais il y avait des gens. Il y avait Horto, il y avait des gens au milieu du petit garçon. On l'a pas vu bien, on l'a vu au plus petit, mais là je l'ai bien vu au plus grand. Il y avait des gens. Oui, il y a des vidéos partout sur YouTube et tout, voilà. Donc ça c'est bon ton sujet, Timothée? Oui. Moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en info? Vas-y, Juliana. Les voisins de jeunes, ils ont abattu leur sœur. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, je t'ai dit non tout à l'heure. C'est pas tué. Non, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on s'écoute. Après, j'ai dit abattu. Ben non, ils l'ont pas abattu. Ah, si, ils l'ont battu, voilà. Mais pas abattu. Abattu, ça veut dire tuer. Hein. Oui. Que battu, c'est battre. Ouais. C'est ça. Alors vas-y, explique. Nathan, ils l'ont battu. Voilà. Ils ont battu qui? Leur sœur. Oui, et puis qui? Le copain. Le copain de la sœur, oui. Donc c'est deux frères qui ont battu leur sœur et le compagnon de la sœur. Oui. Pourquoi? Que la sœur, elle cachait une relation. Oui. Christopher, tu peux l'aider? Et puis, normalement, il devait... Que dans leur région, ils se mariaient, mais elle n'a pas voulu. Mm-hmm. Là, ils se sont battus. Oui, par rapport à leur religion, elle avait des attitudes incorrectes, c'est ce qu'ils disaient. T'as pas entendu parler de ça, Marion ? Je regarde pas les informations. Ah ben, ils écoutent souvent dans le taxi, tout ça, le matin, donc ils sont un peu... voilà, oh, c'était ça. Oui. Vous parlez d'un film. Non, mais là, on est sur un sujet, Nathan. Puis hein. Il y a une femme, là, qu'on parlait, que Christopher savait. Ah, Christopher, Juliana a besoin de toi. Pourquoi ? Qui a donné son corps aux gens. Ah, la prostituée. Voilà. La quoi ? La prostituée. On n'a plus le droit de le faire. Ah non, si, Corinne, on a vu, rappelle-toi. Non, non, attendez, parce que là, vous changez de sujet, on parle de quelque chose, vous êtes déjà parti sur autre chose. Christopher, tu connaissais bien... Elle parlait de prostituée ? Non, non, non, non, attends. Tu connaissais bien le sujet dont on parlait, là, avec Juliana. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Ah, le truc, le ramadan, là ? Les deux frères qui ont battu leur sœur et son compagnon. Oh non, non, rien à rajouter. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'elle mettait des shorts. Parce qu'elle mettait des shorts ? Oui, donc alors il y avait aussi la tenue. Ben oui. Oui. Et puis quoi encore ? C'est tout. C'est tout. Donc ils sont où là les deux frères à votre avis ? Ils sont en garde à vue. Ben voilà, garde à vue ? Mmh. Oui. Mmh. Bon, eh ben allez, on va au sujet suivant. Mais... Alors, enlève la main de ta bouche, parce qu'on n'en comprend pas. Ah, je me rappelle même plus. Demande à Christopher qui t'aide, il est au courant. Alors, c'était quoi le sujet ? Les prostituées. Oui, alors, raconte. Les prostituées sont sur les routes. Elles sont sur les routes. Ouais. Et l'une, c'est toi, tu les appelles. Non, alors Christopher, truc. Christopher, j'aimerais que tu t'en tiennes à ce que tu as entendu à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, des clients qui se fait arrêter de prostituer. Des quoi ? Des clients. Ah, les clients, oui. Ils se sont fait arrêter. Oui. Et ils ont même acheté, ils ont avaient un beau chèque, une bonne amende de chèque, 5000 euros. 5000 euros. Non, ils n'ont pas parlé de chiffres, Nathan. Hein. Mais lui, payer le chèque. Non, payer, on avait dit qu'on s'en fait arrêter par la police. Bah oui, des clients, forcément, ils payent. Mais il n'y avait, avait pas d'histoire de 5000 euros, Nathan. Hein. J'ai entendu. Et alors ? Ils sont garde à vue. Et pourquoi ? Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Parce que c'est interdit en France ? En plus, c'est son métier. De quoi ? Ouais. Les filles, c'est leur métier. C'est quoi leur métier ? Bah faire prostituer, t'avais dit. Oui, mais c'est quoi prostituer ? Je sais pas. Bah voilà, c'est important de savoir de quoi on parle. Hein. Alors Christopher, lui, il avait dit oui, c'est les filles qui se mettent toutes nues dans les boîtes. J'ai dit non, ça c'est des stripteaseuses. Elles sont pas payées pour vendre leur corps. Que des prostituées, et quelque part, elles vendent leur corps. Ah oui. Bah oui, oui. Et ça se mange leur corps ? Ça se mange. Oui. Ah, toi, tu penses qu'elles se font manger ? Ah ! Ah ! Ah, c'est dégoûtant ! Chut ! Nathan. Bah, s'ils vendent leur corps, c'est pour faire quoi ? C'est dire quoi, vendre leur corps ? Ben, ça veut dire que les clients peuvent disposer des filles pour ce qui est sexuel. Mais les filles font payer. On n'a pas le droit de faire ça. Mais ils ne les mangent pas, Nathan. Hein. C'est pas Pardon ? On n'a plus le droit de faire ça en France. On n'a plus le droit de quoi ? On vend leur corps. Oh, mais il y en a toujours, tu sais. Non, je n'aurais jamais fait ça parce qu'on n'avait pas le droit. C'est le plus vieux métier du monde, hein. On n'a plus le droit. Oui. C'est quoi, c'était interdit en France, il y avait la police, il aurait dû faire ça, il aurait dû une amende. Bah normalement, il y a des endroits réservés pour ça, mais bon, hein. Il y a des endroits, mais pas ici. Pas ici. Pas dans les Vosges. Pas dans les Vosges, oui. Mais dans les grandes villes. Dans les Vosges, on est protégé. Hein, Corinne, ils vont. C'est la vision de Nathan. Corinne, hein. Ils vont dans les grandes villes. Elles vont dans les grandes villes. Alors pourquoi ? Qu'il y a plus de sous. Il y a plus de sous ? Dans les Vosges, il n'y a pas de sous, alors. Hein ? Vos, alors, elles vont dans les grandes villes, mais quelles grandes villes, alors ? Nancy. Enlève la main de ta bouche, on comprend Nancy. Pas.

C'était la chanson de Christopher. C'est bien, hein. Tu es là, Christopher? Ouais. Ouais, voilà. Merci, ouais. Christopher. Voilà. De rien. Timothée, tu peux poser ton casque. Merci, Christopher. Merci. Merci, monsieur. Alors, on a dit qu'on allait parler de quoi, là? C'était trop bien, Christopher. Ouais. Moi, j'ai adoré. Ouais. Alors, il parle quelle langue, là? Anglais. L'anglais. Non, espagnol. Français. Espagnol. Mexicain. Français. Tu parles comme ça, toi? Bah, tu C'est anglais. Mexicain. Mexicain, toi, tu dis. Espagnol. Espagnol. C'est moi qui veux le dire. C'est une belle langue, hein? Ouais. Ouais. Elle a des belles filles. Une langue qui chante. Comment? Elle a des belles filles. Il y a des belles filles. Oh. Il a vu le clip, c'est pour ça. Ah. Oh. Attends. Christopher. Est-ce que c'est pour ça que tu aimes la chanson? Parce non. qu'il y a des belles filles ou parce que le gars il chante bien? Il chante bien. Il chante bien. Vous, vous aimez une chanson parce que le clip vous plaît ou parce que me la plaît. Chanson vous plaît? La chanson me plaît. Ouais. Mais en même temps, vous aimez bien quand il y en a qui dansent, etc. Ouais. Hein? Ouais. Oui. Alors Nathan, il voulait nous parler d'un film. On va le laisser parler et on l'écoute. J'ai vu un film d'horreur lundi. Quand lundi, ok. Dans la une. Or, j'ai vu une femme était morte dans les toilettes. Une fille a ouvert la porte. Et il n'y avait plus ses doigts juste là. Il n'y avait plus ses jambes. Et la fille, elle a crié, elle s'est barrée. C'est sauvé. Oui. Et après, ils ont pris une photo à l'hôpital. Et les messieurs, ils ont regardé c'était quoi. C'était quoi, quoi? Il y avait un psychopathe. Ah, il y avait un psychopathe. Oui, oh, ça fait peur, ça. Dans les toilettes. Il a fait quoi? Il avait caché dans les toilettes. Il avait caché quoi dans les toilettes? Une fille morte. Oui. Et? J'ai pas tout vu. Ah, t'as pas vu la fin? Non, j'ai pas tout vu, j'ai vu que le début. Parce qu'après, maman, il a dit, on débranche la télé. Ah, mais alors, tu sais pas comment ça s'est terminé? Non. Tu sais pas s'ils ont retrouvé le psychopathe? Si, ils l'ont montré une photo, il était frisé comme ça. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont attrapé? Non, je sais pas. Ah. Bah alors, quand est-ce qu'on aura la suite? Parce qu'on aimerait bien connaître la fin, nous, de l'histoire. Ah ben, après, j'ai pas du tout regardé. C'est après, on a débranché la télé, on n'a pas eu le temps. Ah. Ok. Qui c'est qui a regardé la télé hier soir? Moi un peu. Ah, t'as regardé quoi, Sylvain? J'ai regardé sur la 2 et la 4. La quoi? La 2 et la 4? Oui. C'était quoi? C'était en train de construire des maisons. Oui. À étage. Oui. Et du coup, ils prennent une grue. Oui. Ils transportent, ils mettent le toit. Ah oui, je connais. Ah, bah il a regardé comme toi, tu vois, Timothée. Alors? C'est Et qu'on a de l'escrème. C'est avec des bénévoles. Ah, oui. Est-ce que c'était ça, Steven? C'est des bénévoles qui se mobilisent pour aider des familles. Oui. C'est ça, c'est Ils ça. Ils font leur maison des familles. Ah, donc vous avez regardé ça? Oui. C'est bien hein, quand même, hein? Oui. Et aussi sur la 2 et la 1. 21. À 21, il parle du foot, du Tour de France et de la boxe, de tout. Et des voitures de course. Oui, c'est une chaîne sport alors. Oui. Moi, j'ai regardé Clem. Alors, Juliana, tu as regardé Clem. Voilà. À 18. Alors, ça parle de quoi ça, Clem? Bah, c'est une fille qu'elle est enceinte, elle a 16 ans. Oui. Puis alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Clem? Ses parents, ils ont disputé ses parents parce qu'en fait, elle devait sauver son enfant et avec son enfant, il est parti à la fête. Et ses parents, ils étaient en soirée en amoureux. Et puis après, il y a le papa du enfant qui l'a pris, puis il a eu peur, Clem, il a cru que c'était quelqu'un qui l'avait pris. Mais tu nous avais pas déjà parlé de ça la semaine dernière, non. De Clem, là? Oui, mais là, ça revient encore. Ah, c'est toutes les semaines. C'est des feuilletons, alors ou... Oui. Ah, oui. Et puis après... Puis après... Tout est bien, qui finit bien. Attends, je me rappelle plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont regardé comme Juliana? Non. Toi, tu regardes non. Ça? Non, je ne l'ai pas regardé comme Juliana. Ah bah alors, attends. Non, on est dans le sujet de Juliana. Alors, ça se termine comment? Et après l'enfant, il est malade, il attrape une otite. L'enfant, il est vraiment malade. Ah. Du coup, que sa maman était partie avec des potes, alors du coup, elle est revenue. Ah bah, heureusement, hein? Puis après, elle était amoureuse d'un garçon, et il y avait le garçon là-bas, et puis le papa là-bas, de l'enfant. Et voilà. Quelle histoire. Tu connais Marion, Clem? Oui. Elle connaît Marion. Tu n'es pas toute seule, Juliana. C'est pas avec un docteur, un méchant docteur, avec un petit couteau. Mais non, Nathan. Mais dans la une, c'est ça. Non, mais elle parle pas de la même chose que toi. Hein. Toi, tu parlais d'un psychopathe tout à l'heure. Il n'y a pas de psychopathe là. C'est pas la même fille. C'est oui. C'était hier qu'on avait regardé. Ça avait été hier après-midi. Hier après-midi? Non, hier. Non, moi, j'ai pas regardé la télé. Hier, 4 heures que je... Ah, en rentrant chez toi. Alors, qu'est-ce que t'as regardé en rentrant chez toi? C'était la fin. Un docteur avec un couteau? Oui. Et après, elle a réussi à se déverrer. Le docteur, elle a pas réussi, s'est fait planter le couteau, là. Le docteur l'a soigné. Mais elle a pas soigné, il était méchant. Ah, il était méchant? Il voulait la tuer. Ouais, non, tu regardes des sacrés trucs. Nathan. Et c'est interdit au moins de 18 ans? Non, c'est pas interdit au moins de 18 ans, c'est interdit au moins de 10 ans. Oui, mais en même temps, c'est un peu violent, non? Tu regardes que des trucs comme ça, toi? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Ensuite, après, elle a touché son fils. Après, il y a une fille qui avait il y avait un garçon qui pouvait le tuer, il ne l'a pas fait. Donc la fille l'a pris le flingue de garçon. Et la fille, il a sauté dessus, il est pas mort, la fille. Et quand tu regardes pas des films comme ça, tu regardes quoi? Je sais pas. Des films très horreur. Oh, oui, putain. Tu regardes les infos, Nathan? Je sais pas. Non. Ouais. Et toi, Timothée, alors, hier soir? Hier soir? Foot, télé, cinéma, feuilleton, film... Timothée est amnésique. On ne sait plus. Tu sais plus? Amnésique. Non, t'as peut-être été au lit aussi, hein? Timothée. Tu peux avoir été au lit sans regarder la télé. Tu étais fatigué, Timothée, hier soir? Bon, oui. Ah oui, ben peut-être que tu as été au lit. C'est pour ça que tu sais pas, non? Si. Ben si. Et toi, Christopher? Tenez. Oui, mais quoi? Film. Film, quoi film? Un film avec des fantômes. Ouais, bon. Comme Nathan, alors? Ouais. Tu peux te redresser, là? Et toi, Corinne? C'est un peu plus gros fantôme blanc avec la... Moi, j'ai pas regardé la télé. Et toi, t'as regardé quoi? J'ai regardé la télé. Ça vous rassure que les autres puissent regarder la télé aussi, hein? Vous êtes pas tout seul, hein? Et toi? T'as regardé la télé? Non. Regardé la télé. Du temps qu'il dormait, moi j'ai fait du vélo à 7 heures. Alors Timothée se réveille. Tu as regardé la télé hier? Oui. Alors tu as regardé quoi? J'ai mis la 3, j'ai regardé Titeuf. Il y avait Titeuf sur la 3? Ah oui, bon, je sais, c'est à 7 heures qui passe. Ah oh bah, on attend, t'es au courant des horaires. 6h50. Ouais. Titeuf. J'adore Titeuf. Ah oui, Titeuf est chaud. Donc toi, t'as pas du tout regardé la télé, Camille? Non, j'étais dans ma chambre. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'es dans ta chambre, toi, toute seule? tu lis, tu... Je sais pas, tu vas sur un ordi, tu vas sur ta tablette. Je lis. Tu lis. Ça, c'est bien. Avant de dormir, c'est bien de lire un petit peu. C'est mieux que Timothée et Nathan. C'est mieux que de faire des jeux vidéo avant de dormir. Bah, je joue pas tout le temps aux jeux vidéo. Moi, je dors maintenant la nuit. Non, mais c'est un exemple, Nathan. Ah bah, heureusement que tu dors la nuit. Hein? Ça, j'ai remis à 9h. À 9h, hier? Bon, ça va, c'est raisonnable, hein, quand même. Je vais pas... Moi, je dors pas la nuit, je dors à 9h. Parce qu'en fait... J'ai un souci à ma console. Pendant ma console, elle s'éteint un peu trop. Elle fait un bruit bizarre. Ça veut dire qu'elle s'éteint un peu. Tu l'as trop usée quand t'as joué? Non, parce que je viens d'allumer. Après, quand je l'ai éteint, je l'ai éteint, il marchait pas. Et quoi, il entend un bruit et... C'est quoi? Moi, j'y connais rien, moi, en console et tout ça. Ouais, bah écoute, voilà. Ouais. Hein, oui. Attends, elle a une étiquette sur son truc. C'est une carte de visite, on appelle ça. Bon, allez, on passe peut-être la dernière chanson. C'était dessus, Pierre Lyon, Happy Schlindron. C'est à qui celle-là? C'est pour vous. ben écoute, Juliana, tu étais en train de faire un interrogatoire à Marion, et ben tu peux poursuivre, vas-y. Qu'est-ce que tu as demandé là ? Parle dans le micro, Juliana. T'habites où ? J'habite vers Épinal. Et puis ? Puis tout. Est-ce qu'il y en a que des questions pour Marion ? Oui ? Si tu répètes le code de la route. Ah oui ? Est-ce qu'elle respecte le code de la route, Steven ? T'as combien d'enfants, Marion ? J'en ai pas. Ah. D'autres questions ? Non. Non. C'est bon ? Vous en savez assez ? Oui. Oui. Oui. Oui. Et regardez bien les films d'horreur, hein. Non, Nathan, de quoi on parle, Nathan ? C'est les questions à Marion. Si t'avais d'autres questions à dire à Marion. Voilà. Là, tu es encore hors sujet. Nathan, écoute les autres. Ouais. Timothée, tu as une question pour Marion ? Est-ce que t'as un animal de compagnie ? Non. T'habites encore chez tes parents ? T'as un animal domestique ? Chut, Nathan, pas je tout ça. Je dis non, Nathan. Oui. T'as un copain ? Non. Mais épouse tout. T'as quel âge ? Ah, tu... ça se dit pas. Non. Joker, Joker. Joker, Joker. Il a 30 t'as ans. T'as des copines ? Oui, j'ai des amis, oui. 30 ans, tu as ? J'ai dit, je dis pas. Mais pourquoi ça t'intéresse, Nathan ? 30 ans, 31 ans, 32 ans, 32 ans. 4-5 ans. Est-ce que tu fumes ? Non. Ok. Alors, Christopher, est-ce que c'est important, ça ? Est-ce que tu fumes ? Ah oui ! Ah oui. Non ! Toi, ça te dérange, hein, les gens qui fument ? Non ! C'est bon, moi, j'ai fini. C'est bien qu'ils demandent. C'est bien de demander. Hein ? Mais Mario, elle n'est pas obligée de te répondre. Hein ? J'ai répondu, je fume. Bah oui, oui, oui. Ouais. Et Quinn, que ce soit son anniversaire, je le saurai son âge. Ah oui, mais est-ce que tu peux fêter l'anniversaire à Marion, là ? Non ! C'est quand ton anniversaire ? Je ne sais pas quel jour c'est. Marion ? C'est quand ton anniversaire ? Appelle une carte mémoire exprès. Le 17 juillet. Écoute, écoute. Le 14. Le 15. Le 11 août. Déjà savoir le mois. Commencez par le mois. Avril ? Non. Mai ? Septembre. Ouais. Septembre. Ah, septembre. Alors, quel jour ? Le 18 septembre ? Non. Le 20 ? Premier. Le 2. Le 11 août ? Non, j'ai dit septembre. Le 11. Le 12 septembre ? Non. 11. Le 2. Le 21. Le 3. Le 23. 23. Il y a 30 jours au mois de septembre, alors vous n'avez pas fini. Attends, 1, 2, 15. Le 3, c'est presque. T'as dit quoi ? Je suis pressé. Le 16 ? Le 16 ? Non. Le 17 ? Non. Le 18 ? 16 ? Non. 17 ? 18 ? 15 ? 19 ? 20 ? 15 ? Non. 20 ? 21 ? 22 ? 23 ? Le 14 ! Ah, 14 septembre. Bon, Nathan, je t'ai pas entendu le dire, moi. Bon, ben Marion, je note, hein. Le 14 septembre. Marion, tu as noté dans le cahier, Marion. Il n'y aura pas d'émission, c'est pas un mercredi. Ben, ça fait rien, on le dira la semaine prochaine, vendredi, ou on dira en amont, n'oubliez pas, vendredi, c'est l'anniversaire à Marion. Hein ? Pourquoi vendredi ? Bon, on dira à la radio. Parce que cette année, ça tombe à vendredi. Mais tous les ans, c'est pas forcément on l'appellera. Vendredi ou jeudi. On l'appellera à la radio pour dire. Mais c'est en septembre, hein. C'est pas maintenant. Hein. Vous avez eu encore. Voilà. Là, tu t'es trompée, Camille. C'est beau ? Oui. Baisse les boutons. Alors, ce matin. Ça a été, ça s'est bien passé ? Oui. Oui. Ouais. Oui. Malgré qu'on n'avait pas notre cahier. Ça nous déçoit. Ça nous déçoit, Corinne. Bah, on a réussi quand même à discuter. Attends, on va appeler le cahier, il va finir tout seul ici. Cahier ! Ça, c'est encore pas possible. Hein. Ouais. Mmh. Oui. Marion, c'est quoi ton nom de famille ? Ça, je le dis pas. Bah, Nathan. Est-ce qu'on a demandé ton nom de famille à toi ? Pourquoi je le demande ? C'est Marcel. Non. T'as un surnom ? Non. Un surnom ? On peut tu bois du coca ? La ok, bois pas de coca. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai demandé si elle boit du coca. Oui. Elle boit pas de coca. Mais elle a raison. Pourquoi elle a raison ? Parce que c'est trop petit. Parce que quoi ? Vas-y. Il y a trop de sucre. Ah, j'entends pas. Là. Parle dans le micro. Hey, Camille. Il y a trop de sucre. Non, mais on n'entend pas là. Il y a trop de sucre. Voilà, bien. Elle a bien raison. Il y a trop de sucre. Moi j'en bois deux fois du coca, moi. T'as déjà bu la goutte. Ou trois fois parfois. C'est mieux de boire de l'eau, oui, Timothée. Moi j'adore le coca. Bah oui, c'est sûr, ça se boit bien, mais bon, c'est pas très bon. Ah, c'est que nul, coca. Même le coca, zéro. Oh. Ouais. Bon, soi-disant zéro. Hein. Tu peux boire du coca, mais sans sucre. Et Marion, est-ce que t'as déjà bu la goutte? Est-ce que quoi? La goutte. T'as déjà bu de la bière? Est-ce que t'as déjà bu de l'alcool? À ton avis. Oui. Non. Bah, tout le monde a au moins goûté, Juliana. Moi, hein, avec modération, bien sûr. Voilà. Voilà. Le meilleur alcool, tout le monde, c'est on va boire un demi de verre. C'est bon? On a fait le tour? Oui. Hein? Fini les questions pour Marion. Hein? Oui. Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Hein? Alors, eh ben, écoutez, on va se quitter, puis on va dire à la semaine prochaine. Doucement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Et bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Salut. Adieu, Camille.